Un nouveau document formel du gouvernement japonais vient d'être révélé le 9 pour attester que le crime de l'esclavage sexuel des impérialistes japonais est un crime anti-humain commis de façon organisationnelle par l'État. Ce dossier est écrit en 1937 par le chef du commissariat de police du département de Wakayama pour envoyer au ministère de l'Intérieur. Sur l'ordre de l'armée, 3 Japonais ont enlevé des femmes coréennes à la région de Danebari pour en faire les femmes de réconfort, note le dossier.